chère moitié de ma totalité. De mon corps, oh, de mes yeux, moitié de ma réalité. J'ouvre les bras à ta beauté, j'ouvre mon cœur à ta. Totalité. Chant de mon rêve, joie de ma voix, moitié de ma réalité. J'offre mon cœur. J'offre mes jours à ton soleil. Donne un retour, présence sans détour, l'autre moitié de notre éternité. J'offre mon cœur à ton soleil, j'offre mes jours à ton âme.